C'est pas parce que je veux que ça marche, comme on va retourner une quatre fois dans le four, si j'ai oublié de mettre la poudre à bord dedans. Il faut savoir, c'est utiliser les conditions sur les plans où on veut réaliser quelque chose. C'est ça, c'est déjà. Ah, encore une fois. Mais tu mets de l'amour, c'est que tu mets de la bonne direction. La créativité mentale n'est pas sous leur contrôle. C'est avec le temps, les changements vibratoires, blablabla, que la créativité mentale descend. L'ego, il a beau se péter à la tête, puis être créatif, faire des belles robes, vous voulez voir faire des belles robes, elle passe pas d'énergie. Puis elle, elle l'a vécu, elle. Là, ça commence un petit peu, là. Puis elle peut pas attiquer tout ce qui passe par la tête. Tu peux pas. La volonté d'intelligence n'a rien à faire avec l'ego. Ah, c'est évident que l'ego peut faire des affaires. Mais il y a des affaires et des affaires. Tu peux-tu faire de l'art sans que ça soit astral? Tu peux comme, créer une robe, tu peux tester comme, comme mental, c'est vrai mental, c'est mental. Créer une belle robe, là, ou un bout à bout, ça peut être très mental, ça. Maintenant, lui, ça part. Ça part du financeur, ça part du mental, c'est mental. C'est pas ça fait partie du mental. Ça part du mental, et l'artiste qui va prendre sa toile, puis ça part du mental, il ne saura pas ce qu'il va faire. Il va découvrir au fur et à mesure qu'il y a. C'est vrai que c'est ça que c'est fait, c'est question bizarre. Parce que c'est pas l'ego qui dirige le pinceau. C'est ça. Le monde, c'est lui. On devrait que ce qui nous dit là, c'est la question bizarre. Oui, les gens commencent à parler mon langage. L'argent, c'est la fondation même de la vie sur le plan matériel dans la civilisation humaine. Puis un homme qui n'a pas d'argent, il ne pourra jamais substituer son énergie astrale pour l'énergie mentale. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais je sais ce que je veux dire. Je sais que quand je me ramasse de l'argent, dans quel but je me suis fait une photo polaroid, peut-être ça, ça me rappelle. Je ne sais pas pour dans un an, mais je ne sais pas tout de suite. C'est là ma patience. On va vous dire une chose concernant l'argent. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'argent. L'argent, c'est une énergie. D'accord. Quand l'énergie de l'argent est utilisée mentalement au lieu d'astralement, l'énergie de l'argent devient créative. Si elle est utilisée astralement, elle devient possessive, accumulative, destructive, tous les aspects négatifs de la conscience astrale. Mais si elle est utilisée mentalement, l'argent, l'énergie devient automatiquement créative. Puis à ce moment-là, la conscience qui se servira de cet argent-là pour créer. L'argent devient propre. Peux-tu donner un exemple graphique, peut-être? Un exemple graphique? pour payer tes dettes pendant ta réincarnation. Il est déjà bon, vous donnez l'exemple, moi, l'utilisation d'argent. Je vais me prendre comme modèle. Moi, je fais de l'argent. Et avec l'argent que je fais, je dis, qu'est-ce que je fais avec? Il dit, je fais ça. Ça sert tout le temps. Ça tourne. Et l'argent, il faut que ça tourne. Donc, les gens, ça ne tourne pas l'argent. L'argent, ça reste à leur affaire. Ça c'est pogné dans leur ego. Ça devient astral. Ça ne tourne pas. L'argent, ça devrait tourner. Mais le problème, c'est que l'argent, ça ne peut pas tourner avec des gens inconscients. L'argent, ça peut tourner seulement avec des gens inconscients. Moi, j'ai acheté une propriété dans le Nord parce que j'avais des gens que je connaissais qui pouvaient m'aider à acheter la propriété dans le Nord. Ça, j'avais rempli la tour. L'argent tournait. La propriété est assez grande que les gens qui ont aidé à acheter la propriété, maintenant, peuvent vivre sa propriété. C'est ça, toi? Puis avec notre créativité, on monte la propriété, fait que c'est rendu de plus en plus beau, de plus en plus beau. Puis ceux qui étaient là-dedans, à ce moment-là, je peux pas aller là-dedans. De sorte que l'argent revient toujours à nous autres. Fait qu'elle sort d'une poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle revient en pleine poche, puis elle s'en retourne. Autrement dit, on a créé un système économique comme. Mais qu'est-ce que tu peux faire ça avec les inconscients? Donc là, j'ai un des amis qui était venu, il a lâché une fédérale, là, parce que c'est un système de l'ennemi. Fait que là, il arrange les égouts. Fait que je le paye à ranger les égouts. Il peinture la maison, je le paye à payer. Peinture la maison. Mais ça tente. Si j'ai besoin d'acheter un petit compte, l'argent, il m'en parle. L'argent, il reste toujours en bas de nous. C'est un système économique fermé. Mais il faut que ça soit utilisé au niveau mental. T'investis-tu dans la société ordinaire? Non. J'investis-tu dans ma société? Tout le temps dans ma société. Tout le temps. Ça va m'a donné une robe, il n'y a pas d'argent, on me donne la rue. Fait que ça me fait plaisir parce qu'il y a partout. Déjà, l'argent avec l'évolution, il faut avoir tenu l'évolution. Ouais. C'est pas l'évolution. On ne peut pas être prisonnier d'un manque d'argent. Parce que l'argent, si on est prisonnier d'un manque d'argent, on a des tensions. Les tensions, tu vois, si tu veux fonctionner, c'est des tensions. Tu ne peux pas fonctionner. C'est pas la forme d'un. C'est vrai qu'ici, c'est ça, quand de toute façon, on leur voit, ça fait le cachet, ça revient de mettre la vente et d'attendre que ça soit un petit gros. Tu construis avec elle. Moi, parce que la psychologie, avec mon projet. C'est la psychologie. Bon, OK. On continue ça. Il vient un temps dans la vie quand on se conscientise où on sait exactement ce qu'on veut. Puis comme on se conscientise, on sait ça. Comme on sait ça, on se crée une cabane. On se crée une cabane. Parce que je vous jure aujourd'hui que je ne vous donne pas 10 ans que chacun de vous autres, vous allez vous voir avoir votre petit tête de terre. Alors, regardez ce que je vous dis. Je vous donne 10 ans toute la gamme. Dans 10 ans, ils vont vous poser une idée dans la tête, j'aimerais ça. Puis encore là, c'est que c'est un projet. Parce que je ne sais pas. Je fais un projet dans ce temps-là, ça devient une nécessité. Ça deviendra pour vous une nécessité. Ça devient une nécessité. Quand ça devient une nécessité, toutes les forces vitales s'en vont. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils veulent encore parce que les gens ne sont pas suffisamment conscients. Et quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que c'est savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut, ça veut dire savoir ce qu'on a besoin. Savoir ce qu'on a besoin, ça veut dire savoir ce qui est nécessaire pour que nos corps s'harmonisent. Fait que quand tu es rendu conscient, tu n'as plus besoin des trucs à gogo à la bonne ville. C'est des vibrations. Tout ce qu'il veut. La seule chose qui balance tes vibrations, c'est la crise de paix. Fait que la paix pour vous, c'est une chose. La paix pour lui, c'est une chose. La paix pour elle, c'est une chose. La paix pour lui, c'est une chose. La paix pour moi, c'est une chose. Caché. C'est vous qui le savez, c'est ça. Chacun le sait, puis chacun le fait créativement selon ça. Dans les mots, c'est un projet accepté. Ça devient un projet pour vous aujourd'hui, puis un jour, ça devient une nécessité, puis quand ça sera une nécessité, que ça se fera. Non, c'est ça devient. Hein, ça. C'est une priorité, il n'y a pas d'autre chose que ça. Mais ça me prend mon argent, ça ne m'arrivera pas en non. Étant à ce Il n'y a rien qui nous arrive. C'est ça. Moi, je dis, il faut toujours être rentabilité. Oui, parce que c'est l'application mécanique de l'intelligence. Si tu as 10 pièces, il faut que tu rentabilises. Si tu as 10 pièces, il faut que tu le fasses avec. Ça, c'est la même version d'argent, mais donc l'argent qui fait de l'argent. Ça, c'est le minimum que tu dois faire. Puis, ça se peut, je ne mettais pas de pièces parce que ça fait bon sens, mais mettons que je mets 500 pièces. Je peux le prêter, puis faire de l'intérêt à, actuellement, mettons, à 19 ou 20%. Ça, c'est une chose. Puis, je peux aussi le rentabiliser en présentant l'intérêt pour mon client acheter un beau fauteuil. Je le rentabilise, comme ça, que je m'en sers pour mon bien-être personnel. C'est ça. Puis, après ça, puis plus je suis intelligente, plus je sais faire rentabiliser. Moi, c'est comme ça que je dirais. C'est pas. Je vais rentabiliser tout. L'argent doit être transmuté dans une valeur que vous avez de besoin. C'est ça. Quelqu'un qui est direct, qui est intelligent, qui n'est pas capable d'administrer une scène, c'est just too bad pour moi. Là. C'est bien spirituel, ça ne marche pas. Ouais, l'intelligence, il faut que tu sois capable de l'identifier par la tête. Oui. Comment quelqu'un dirait, moi, j'ai de l'intelligence, j'ai de l'intelligence, j'ai de l'intelligence, j'ai de l'intelligence, pour administrer 5 scènes. Là, c'est que, comme bien ça, il dit. Il dit que l'argent, ça doit rester en banque intemporellement. Jusqu'à temps que vous ayez suffisamment d'intelligence pour la concrétiser dans la matière, pour que vous ayez de la propriété, pour que vous puissiez devenir de plus en plus indépendant socialement. Voilà. Parce qu'il viendra un jour où vous serez. Il y a rien qu'une chose qui va vous intéresser, c'est la paix. Là, c'est pas la paix parce que vous ne souffrez pas de la paix. Fait que là, vous pouvez laisser en banque. Ah ouais, bien. Mais un jour, vous allez voir éclatant, puis c'est là que l'argent que vous allez prendre, que vous allez faire des intérêts, tout whatever, que vous allez le mettre dans de la matière. Des murs, un toit, des petits gazons à côté. Au petit 120 ans. Puis votre petit job sous votre contrôle, parce qu'il y en a bien parmi vous autres qui, aujourd'hui, travaillent dans l'industrie, puis dans 10 ans, auront leur petit compte. Parce qu'il y a un jour où vous pouvez travailler avec les autres. Ah. C'est pas mal difficile pour elle de s'installer et de décider d'aller acheter une maison. Il n'y a jamais personne de tout seul. Plus vous avancez en conscience, plus vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous pouvez faire des choses. Parce que c'est dans la conscience. Une chose que tu aimerais que. Donc, tu n'en as jamais parlé. Moi, je vois beaucoup de mouvements en ce moment, de, disons, de jeunes là, qui ont en tête de former éventuellement des comités. Au niveau de partager un environnement ou un locataire, une ferme à l'extérieur de Montréal sont en musulmane, de dans quelle optique? Des communes, c'est des illusions spirituelles. Parce qu'il va venir un temps, vous allez être tellement autonome, tellement conscient, tellement sensible à vos vibrations que vous ne pourrez pas sentir un chat. Vous allez pouvoir visiter les chats, c'est pas violent. Les communes, c'est des illusions spirituelles. Regardez toutes les communes, ils ont toutes pété. Il n'y a pas de commune qui est taffée. Ni aux États-Unis, ni qui ne passe. Ça ne peut pas taper une commune parce qu'il y a des égaux. Quand plus tu conscientises, plus tu deviens autonome. Tu veux la paix. Fait que les seuls gens avec qui tu peux avoir la paix, c'est ton mari, ton chum, tes enfants. Visiter les autres chats. Et quand les autres chats viennent rester chez vous, non, je ne peux plus. Non. Il faut se suffire à soi-même, matériellement. Mais tu peux faire un système économique fermé aussi. Ce qui est différent d'une commune. Tu formes un système économique fermé, tu peux bien intelligent, tu es bien à volonté, tu sais tout. Tu comprends tout. Il faut que tu prépares les gens à ça. Parce que dès qu'il y a de l'ego là-dedans, je regarde juste, par exemple, les gens qui sont à la maison. Pourquoi faire qu'ils sont. Que les fans sont mal à l'aise avec cette situation-là, bien qu'ils aiment bien ça de sa maison, ils ne sont pas capables de monnayer ou de quantifier monétairement ce qu'il y a. Tu comprends-tu? C'est difficile. C'est une serpent où tu as commencé. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dans un. C'est pas de pouvoir. Je ne sais pas ce que j'en vaux. Le problème des femmes à maison, c'est que les femmes à maison n'ont pas réalisé qu'est-ce que c'est être bien dans sa peau. Une femme à maison qui a réalisé qu'est-ce que c'est pour elle d'être bien dans sa peau, c'est à maison ou c'est au bureau, avoir des tensions. Parce que quand tu es conscient, ça n'a pas d'importance, c'est au bureau ou c'est à maison. Ce qui est important, c'est que tu sois bien dans ta peau. Ça, ça donne que c'est à maison. Juste ton mari travaille, tu as besoin d'en vivre. Et les femmes aujourd'hui sont pas dans l'illusion matérielle pour faire une liberté qui est fausse. Puis ils se font brainwasher par toutes les autres femmes. C'est que le point de vue réel est toujours intérieur. Mais on est sujet à des impressions extérieures, on se laisse influencer. Puis elle, moi, la fin de la vie à côté à travers les bureaux parce que ça fait le char. Puis toi, j'étais en quoi à la vie et pas de ton mari. Mais c'est évident que si tu penses de même, parce que t'es pas conscientisé, t'es pas centré, tu vas avoir des tensions. Mais si t'es rendu centré, puis t'es à paix, parce que ton mari, puis toi, ça marche en harmonie. Tes enfants, toute ta femme. Là, t'es bas, t'es bien. C'est après ça que t'as une machine à vie des fous. Oui, ma femme, elle fait rien. Elle fait rien. Bébé. Elle fait rien parce qu'elle ne veut rien faire. Il y a d'autres mondes qui travaillent. Elle veut rien faire. Bébé. Tout ce qu'elle veut faire, c'est voyager. T'as pas laissé ta maison. Elle fait un petit café. Elle est chiée, là. Elle fait rien. Bien, bien, là. Elle n'a pas de tension. Elle fait rien. Mais elle avait des tensions, elle avait eu des tensions. Elle a ouvert une compagnie, elle avait une compagnie. Où est-elle? D'abord, elle n'a pas besoin de travailler. Pourquoi c'est travail? Parce que je vous l'ai déjà dit, c'est anti-homme travailler. Travailler, c'est anti-homme parce qu'on est obligé de travailler pour survivre. Puis là, l'homme n'est pas guéri encore pour vivre sans travailler. Parce que pour vivre sans travailler, tu sois bien mental. Ben, c'est tout. T'es tout nerveux. C'est anti-homme, puis en même temps, tu dis que ça fait partie d'une des choses. C'est essentiel parce que l'homme doit en arriver à construire pour se protéger matériellement. C'est ça que le travail est important. Le travail est important. Et le travail, oubliez-vous ça, c'est anti-homme. Les hommes, c'est notre travail. Ils créeront, créeront, créeront, créeront. Vous travaillez pour eux. On peut arriver à se créer les moyens, les besoins. Pense-moi du travail. Tu travailles pas. Tu travailles pas. Parce que je fais ce que je veux. C'est pas du travail quand tu fais ce que tu veux. Encore mais c'est quand tu te lèves le matin à 5 heures, aller au bureau, tu fais face à un bœuf. Ça, c'est du travail. Mais on peut arriver à se concentrer un petit peu, mais pour arriver à être plus indépendant du point de vue matériel en travaillant comme temps partiel, pour arriver à être plus dans un petit cotron, whatever. Whatever you like. Moi, je suis capable de me contenter de plus. Je suis plus capable, je suis capable de me contenter de plus, mais mon plus, il n'est pas mal. Je m'en ai l'air en fin de semaine pour 3 jours. Parce que j'ai une objection, confiance, c'est vrai. Maintenant, mais on peut arriver à se préparer pour... Mais ça revient tout dans la volonté intelligente. Pas dans les vertus, ça. On peut pas dire quelqu'un qui a maison, il est bien à sa peau, puis il paraît que non. Il voulait qu'on parlait de ça. Tout revient à conscience. Tout revient à l'amour du conscient. Quand t'es conscient, t'es conscient. Si t'es conscient, t'es bien dans ta peau à faire tes choses, tu le fais. Tes choses, tu le fais. C'est pas les formes qui doivent déterminer ton bien-être. C'est toi qui dois déterminer ton bien-être et te servir des femmes autour pour faire ça. C'est ça que les femmes vont comprendre. C'est pas faire ce qu'il faut faire, c'est faire ce que je veux faire. C'est faire ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire dépend de ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire dépend de ton intelligence, de ta volonté. Ça vient d'où aller là? Ah, l'amour. Bernard, moi je trouve ça fréquent, rien faire. Faire rien. Ouais, quand je dis rien faire, je ne veux pas dire rien faire. Je n'ai pas été obligé de faire quelque chose. Rien faire, je n'ai pas été obligé de faire quelque chose. Moi, je fais rien. Parce que je ne suis pas obligé de rien faire. Je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. C'est ça que je dis. Ouais. Tu fais deux jours à faire. C'est le temps. Pas rien faire. Quand t'es conscient, tu as tué, ben c'est obligé de faire quelque chose. Mais t'es pas obligé de faire quelque chose. Je vais pas m'y montrer maintenant. Je pourrais te le monter, mais il faudrait que je crée un choc. Je vais pas faire. Mais tu vas le savoir avec le temps. D'ici deux ans et demi, tu vas le savoir. La sylvation, c'est un terme qui a l'air spirituel. Ah non, c'est pas spirituel. Spirituel, l'hybridation. Parce que y a beaucoup qui parlent comme ça, tu sais, good vibes, le kit, tu sais. Une vibration, c'est une énergie qui t'assent, cette énergie-là. Qui est puissante. Puis elle part de l'âme, puis elle traverse l'ego. Ça vient du plafond. Ouais, ouais, ça vient. Puis quand t'es dans cette vibration-là, tu le sais. Puis quand t'as un changement vibratoire, tu le sais. On me donne. Je ne vais pas en train de vous donner un choc, vous allez l'en faire passer. J'aime pas ça. Alors. Elle va se éclairer par son patron. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, ça lui reste. Il n'est pas content. Ça ne peut pas nécessairement avoir une direction. Dans le fond, vous savez tout que c'est ça une vibration. Vous savez tout. C'est pas grave. Ça, c'est des vibrations par la scène. Tu sais, expliquer ça, comment ça a été grossé? Non, mais vraiment. Peux-tu me donner les envies, me faire guérir par mon patron? Tu me mets dehors en porte, pour un an et l'arrière, c'est en même temps. Il doit y avoir des vibrations, tu dis, quand ça descend. C'est quoi? Une vibration, là, une vibration, on le sent le plus dans la souffrance. Quand l'âme crée une situation que l'ego est obligé de subir, là. Quand tu vis la vibration, c'est comme tu deviens fâché en dedans. Tu deviens fâché. Moi, en tout cas, quand je vis la vibration, je deviens fâché. C'est comme la vibration, elle désorganise mon cœur. Une mauvaise vibration, ça peut être comme l'anxiété. Bon, il y a une vibration là-dedans. C'est deux, des vibrations. Mais tu parles de l'année. Une vibration de fameux projet qui arrive. C'est trop une vibration, on vit une vibration, sinon les incidents ne sont pas de terre. C'est quand. Bon, c'est comme un violon. On est un violon, on est des violons. On a des cordes. Mais on ne les sent pas tout le temps, les cordes. C'est quand on est bien sensibilisé, là, pis c'est ça que la souffrance, c'est ça que la souffrance nous amène à sentir la vibration. C'est ça que je dis, plus tu souffres, plus tu deviens conscient, parce que plus tu sens la vibration. La vibration, c'est l'énergie de l'âme qui descend dans les deux. C'est concret comme moi, je touche. C'est tangible. Ah, c'est très tangible. C'est juste que tu sens, c'est que tu te lèves du corps en l'air. C'est pas toujours plaisant. Une vibration, une vibration, c'est pas plaisant. Quand, comme là, je suis bien, là, je sens pas de vibration, je suis bien. La meilleure façon d'expliquer une vibration, là, c'est que tu sens la vibration quand tu souffres. Quand tu souffres pas, tu ne sens pas la vibration. Parce que tu t'es harmonisé, tu ne souffres pas. Mm-hmm. Moi, si tu souffres d'une souffrance, tu sens la vibration. Hein, Jésus? Disons qu'on pense, après la vie, passer une belle vie, j'ai bien aimé ça. Le fait de partir en harmonie, on est content. Est-ce que c'est une vibration? Une vibration, ça dérange tout le temps. Le fait qu'on a. Une vibration, ça dérange. Ça change ton état, ça change ton corps émotionnel, ça change ton corps mental. C'est ce que c'est une vibration. Dans l'exemple, Mettons que ton corps physique roule à 10 000 à l'heure, OK? Bon, c'est un corps astral qui roule à 25 000 à l'heure, c'est un corps mental qui roule à 100 000 à l'heure. Bon. Là, c'est engrené, ça, pour que ça roule, c'est différent. Il y a une petite roue, une moyenne roue, une grande roue. OK? Puis ça roule comme ça, l'un dans l'autre. Là, c'est en harmonie. Quand le 10 000 roule avec le 25 000 puis le 100 000, les roues, là, sont engrenées les unes des autres, puis ça marche. Ça roule bien, tu sais? Mais tout d'un coup, au plein motif, là, moi, je suis en train de. Ben, je ne sais pas, je sais ça quand je suis en train de parler. Je suis en train de parler de quelqu'un qui rentre ici et qui me dit, Hélène, ton fils vient d'avoir un accident. Hein? Quoi? Les gens me manquent. Là, le chien, tu quoi? Tu sais, comprends-tu, là, ça fait que c'est un choc qui m'arrive direct dans la roue, là, il m'a dit, la pression qu'il y avait à 25 000 $ que j'ai dit, ouais. Elle vient de monter à 125. Montant à 125, les roues sont désengrenées, là. Là, il y a 100 petites vibrations. Mais quand je suis pas ajustée, c'est pas ajusté, là, les roues, là. Là, le monde, tu sais, je peux plus le prendre, là. Moi, j'ai peur. Là, tu me sers un verre de cognac pour être capable d'ajuster un peu mes affaires. Là, ça, je l'avale un peu, tu sais. Là, je demande des détails. Alors, au plan intellectuel, il m'arrive d'autres données qui fait que, bon. Puis là, j'arrive, je suis encore shakée, là. Mais jamais vu. Mon corps physique va descendre à 10 000 $. Là, ça va être 15 000 $. Puis mon corps émotif qui vient d'être choqué, qui était à 26 000 $, lui, il a monté peut-être à 125. Mais là, il va s'établir, il va rester à, mettons, à 50. Puis mon corps mental, lui aussi, qui était tout. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça fait des choqués. Mais ça ne descend jamais. Jamais. Ça monte tout le temps. Une vibration, ça monte tout le temps. Ça s'ajuste constamment tes corps. Ça ajuste. C'est toujours une souffrance. Là, tu te dis un choc émotionnel très intensif, mais ça peut arriver. Il faut te donner un mais si tu arrives, plus tu te conscientises, tu n'as plus besoin du gros choc de même. Ouais, c'est des petites affaires de niaiser. Mm-hmm. Moi, là, si je m'en viens ici, là, puis je me cogne, là, je l'ai déjà dit, ça. Quand je m'en viens ici, puis je me cogne, là, ça change toutes les vibrations, c'est assez de me mettre en maudit. D'ailleurs, moi, quand je viens de donner des signaux, des conférences, ça change toutes mes vibrations un petit peu. Fait que ça monte, parce que quand j'arrive, je suis bien, quand je suis bien haut. Fait que d'un coup, je monte la marque, je m'en fâche. Là, c'est clair. La vibration vient changer. J'ai le faux cul parce que je sais que c'est de haut en bas. Là, ça m'en mouille. C'est vibratoire, c'est une souffrance. Quand t'es bien conscient, tu souffres de rien. Fait que c'est pour ça que pour en arriver à plus souffrir, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges que tu watches tout, Charlie. Tu watches tout. Tellement que moi, j'ai dit à Gisèle. J'ai dit des bonnes nouvelles. Une des bonnes nouvelles. Pas de mauvaises nouvelles. J'ai dit, t'es payé amplement pour me donner une des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, carte clé, c'est ta job. Si elle a des mauvaises nouvelles, c'est parce qu'elle peut pas, elle a besoin d'une réponse. Mais je suis rendu que je ne suis même plus capable de prendre de mauvaises nouvelles tant que je fais. L'initiation m'a mis à terre. Vous autres, comme elle, à travers, les gens, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'aussitôt que le téléphone dit, elle sait. C'est comme moi, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais depuis le début. Là, les gens commencent à me comprendre un petit peu plus. Fait que là, je travaille de moins en moins, Ça, ça devient le fun. Parce que là, je ne change plus de l'ego. Là, ça devient le fun. Mais quand tu sais, tu veux communiquer quelque chose, puis que les gens ne réalisent pas, c'est pas de leur faute, c'est pas de réalité. Là, c'est une tension. Bon, mais elle vit tout le temps dans son travail. C'est pas facile pour elle. Ça va être bien fun, c'est pas le fun. Parce qu'il y a des gens qui vont se faire des téléphones et vont dire tu vois que les gens vont me critiquer pour la distance. Qui c'est qui prend le chat des bras noirs? C'est elle. Elle me connaît. Moi, je me connais. Elle, le chat. Ça n'est plus, ça n'est plus. C'est ça qui va se faire avec les chats pour eux. Ça vient. Là, on parlait de faire du 100$ et de le gagner. Comment tu fais que tu as 100$? C'est vrai que tu freezes cette affaire-là. Ça crée un choc du vrai. Ça crée. Ça peut dire si les gens pouvaient comprendre. Si les gens comprenaient, tu ferais brûler. Ah. Mais c'est ça la souffrance. Ça devient une souffrance de conscience. Tu souffres pour des niaiseries, que tu souffres là, quand tu parles de la misère. Y en a-t-il qui souffrent des niaiseries ou dit qu'ils souffraient pas, hein? Donc après 10 ans, 15 ans, j'ai envie de te comme de la porcelaine, tu marches de même, tu vas bien attendre. C'est la colère. Tu peux être très volontaire, mais en même temps, très délicat. Éventuellement, tu peux être capable de concentrer ton énergie. Fait que c'est deux taureaux de faire de porcelaine, tu devrais être capable de marcher autour de la porcelaine. Pas être faire physique. Faut pas que la couronne. Encore une vibration pour répondre à ta question, Émilie, c'est que quand tu sens la vibration d'une souffrance, quand tu ne sens pas tes becs, ça sent bien une façon. Si tu ne sens pas, reste là-bas. Parce que quand tu sens une souffrance automatiquement, mais seulement que la valeur de la sentir, éventuellement, c'est que ça t'amène à développer de la volonté et de l'intelligence. Parce que tu la sens, tu vois, à condition qu'il ne te fasse sentir, tu m'as l'air dedans. C'est là que tu développes la volonté et l'intelligence. C'est ça que je dis tout le temps. D'ailleurs, la souffrance initiatique, c'est la perception de cette situation. C'est ça. Comme les courants électriques passent dans le corps. C'est quoi? Tu sens. La souffrance, c'est de la résistance. Je veux dire que quand tu es intelligent, tu n'as plus de résistance, donc tu agis plus. Tu peux répéter dans ça? La souffrance, c'est de la résistance. La souffrance, c'est une énergie. L'énergie passe à faire vibrer le corps astral en relation avec une situation extérieure. Tu développes un instant. L'énergie passe encore à faire vibrer le corps astral en relation avec l'extérieur. Tu développes un instant. Éventuellement, tu es écœuré de l'instant, c'est là que tu m'as dit. La volonté vient tard dans l'évolution. La volonté de l'intelligence vient après la conscientisation des corps, le développement de la voix des corps. C'est comme, juste un petit exemple, je pense que la semaine dernière, j'ai entendu parler avec des gens, tout à coup, j'ai dit, de façon assez grave, trois mots que toi tu avais pour moi, que je n'ai jamais pu le résoudre. Là, je me suis sentie comme ça. Là, je savais que je mettais vibration ou je la recevais, je sais pas. Automatiquement, j'arrêtais là. Je sais que ça va me servir de ça que je m'éloigne de cette personne-là parce que vous posez des questions. Qu'est-ce que tu veux que je me la fasse maintenant? Mais pour moi, c'était comme une petite vibration. C'est dans ça-là, c'est moi uniquement qui la reçois ou si c'est. La vibration est toujours perçue par toi-même. Par moi. Tout le temps. Tu crées une vibration, même si tu crées un choc vibratoire et l'autre personne en est affectée. Mais si tu as de la résistance, tu la canalises, tu n'en es pas affecté. Oui, mais j'étais sûr que j'en étais conscient. Ah, tu n'es conscient. Je ne peux pas t'en faire affecté. Il y a des choses où ça arrive comme hors contrôle, tu sais. Ouais. Peut-être que tu peux mettre des petits chocolats. Ça pose. Tu parles d'un pays. La notion de l'évolution, c'est pas du tout. disais tantôt, en tout cas, j'ai répondu, mais l'évolution, c'est la science de l'art sur l'ego. Tu veux? Au-dessus. Puis, moi, je me dis, quand tu dis aussi, à un moment donné, il faut stopper le train de l'âme, parce que l'âme, c'est un train, il faut stopper ça. Il faut que l'ego puisse arriver à stopper ça. Mais si, moi, c'est quelque chose qui ne marche pas. OK. Donc, vous avez dit, l'âme, mon évolution, à ce temps-là, vous voyez, comment est-ce que ça se passe? D'abord, l'ego s'occupe toujours de son évolution. L'ego a pas besoin de s'occuper de son évolution. L'âme se charge de ça. L'âme veut toujours évoluer. 5-7 recherches, l'âme s'est évoluée. Mm-hmm. Alors, automatiquement, l'ego évolue. Ouais. OK? Mais à un certain moment, il faut qu'il y ait l'équilibre entre l'âme et l'ego. Sans ça, l'ego est toujours pris dans le champ vibratoire de l'âme, ou le champ vibratoire de l'âme, ou le champ vibratoire de l'âme. Ça, c'est comme un père et son enfant. Le père, il veut que le petit joue au hockey, puis joue au hockey. Correct, correct. Il enseigne à jouer au hockey. Mais à un certain moment, le petit va aller jouer au bille. Il ne veut pas toujours jouer au hockey. Bon, mais ça avec quelque chose, avec l'âme, les gars. L'âme avait évolué, d'accord. Mon âme a évolué, ben, tu le sais, t'es contente, papa. Puis moi, j'ai voulu. Mais quand je suis arrivé à un équilibre entre mon âme, entre l'âme et l'ego, quand mon ego est arrivé à un équilibre, autrement dit, quand mon ego est suffisamment infusé d'intelligence et de volonté à cause de la souffrance qui existe, qui provient du rapport entre l'âme et moi-même, ce que je veux dire, c'est que l'ego n'a pas d'intelligence, il n'a pas de volonté tant qu'il n'a pas mis un break là-dedans. Parce que mettre un break dans la vibration de l'âme sur l'ego, c'est accomplir ce que l'ego doit faire sur le plan matériel, c'est-à-dire développer la volonté et l'intelligence pour éventuellement devenir grand. Au déclin, tu dis ça, moi j'entends, c'est mettre un break à l'évolution. Je le sais que c'est pas ça, mais c'est ça que j'entends. Ouais, t'entends ça parce que tu penses, toi, que l'évolution, c'est l'affaire de l'ego. C'est pas l'affaire de l'ego, c'est l'affaire de l'âme. Les gens veulent tout évoluer. C'est l'affaire de l'âme. Oui. Pourquoi que l'ego, il faut qu'il break l'âme? Parce que, à un certain moment, l'ego doit se servir de l'énergie de l'âme et non l'âme se servir de l'ego pour son expérience. Hein. C'est descendre. Il faut qu'elle descende. C'est l'énergie de l'âme. Il faut qu'elle descende. Sans ça, on sert toujours dans l'évolution, on sert toujours sur la loi de réincarnation et de l'incarnation. À un certain moment, il faut que l'homme arrête de se réincarner. Comment est-ce qu'il va arrêter de se réincarner? C'est en s'immortalisant. Comment est-ce qu'il va s'immortaliser? C'est en pouvant se servir à la volonté de l'énergie de l'âme, changer les vibrations de son corps atomique. C'est allergique, ce l'ego. L'âme est allergique. L'ego est allergique à l'âme. L'ego est allergique à l'âme, c'est-à-dire l'ego n'est pas capable de s'empêcher de souffrir de l'énergie parce que l'ego est inconscient, parce que l'ego n'a pas de volonté. Mais quand il commence à se conscientiser de la libération de l'âme, c'est là que la volonté commence à avoir un jeu parce que éventuellement il se dit, wow, c'est assez, là. Il n'y a plus de forme. Ce qui crée l'énergie de l'ego, c'est les formes. Quand il sort des formes de l'ego, qu'il commence à avoir clair, l'ego, il dit, wow, c'est assez, là. Là, il commence à descendre d'énergie. Là, il change ses corps, puis éventuellement, il passe un autre état. Ça, c'est de l'air pour moi. Bon. Là où j'accroche, c'est toujours cette petite évolution. Ça ne représente pas d'évolution parce que l'évolution de l'ego est automatique avec la structure. Un va avec l'autre. C'est plus un problème d'évolution, l'ego. C'est un problème de créativité. Le problème de l'ego, c'est de passer d'une étape de l'évolution planétaire à une étape d'évolution cosmique. C'est de passer à une étape de la conscience planétaire à l'étape de la conscience cosmique. Quand l'ego est dans la conscience cosmique, il ne s'inquiète plus de son évolution. Il est dans l'évolution. Il est en créativité pure. C'est un concept spirituel de l'ego, ça. C'est un concept spirituel de l'ego. Que l'ego veut évoluer, c'est normal. Des gens qui sont spirituels ou philosophiques ou quoi que ce soit, ils veulent évoluer parce qu'ils lisent, puis ils vont voir des gourous, puis des gourous, puis des magiques, tout ça. C'est normal. Dans un certain moment, quand tu commences à rentrer dans ta propre énergie, que tu deviens toi-même ton propre gourou, ton propre magique, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de l'âme pour se servir de toi et pour évoluer, puisque, rendu à ce point-là, tu es sur le flanc de l'âme. Quand tu es rendu sur le flanc de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Il y a une fusion entre l'âme et le juste à penser. L'ego s'immortalise, se sert de l'énergie de l'âme parce qu'il y a la volonté cosmique et l'intelligence cosmique pour créer des formes qui servent à développer une civilisation future. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne suis plus en évolution, je suis dans l'évolution. T'es dans l'évolution. C'est ça. Il faut que l'ego soit dans l'évolution. Pas dans l'évolution. Dans l'évolution. C'est là que tu rentres dans la phase du sûr. T'arrêtes de chercher à ce moment-là, puis tout ce que tu fais, c'est conscientiser des corps. C'est comme si l'ego a juste trouvé une réalité. C'est facile parce qu'on était conditionné à penser autrement. On était conditionné à des formes qui font partie de l'évolution. Il faut qu'on en sorte complètement de ça. Sans ça, on ne peut jamais rentrer dans l'évolution. Notre problème, c'est pas l'évolution. Notre problème, c'est la destruction des formes. Une fois qu'on détruit les formes, on rentre automatiquement dans l'évolution. La preuve, c'est qu'on est plus pareil. On veut plus pareil. On sent plus pareil. On se sent plus pareil. On veut plus les autres pareils. On devient autonome. On devient centrique. On se fout tout de nos figurines. Puis on est dans une période matérielle, transitoire, pour passer un autre temps. On sort de l'existence pour entrer dans la vie. C'est tout vibratoire. C'est pas psychologique, c'est tout vibratoire. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour diminuer le radotage de ma mémoire dans mon fait? Tu peux pas parce que ça va partir de ton tempérament, ça va s'ajuster graduellement. T'as rien à faire. Ah non, plus faut pas que tu fasses avec ça tout. Faut pas que tu fasses avec ça. Laisse-moi faire ça. Ça, je te le dis, quand tu rentres dans la chambre, tu vas voir de l'âme, t'as sens cette énergie-là tout le temps. T'as rien à faire. Attends, chère, vraiment maudit. Hein. Parce que j'ai été tiré à la fin. Bon, ça, je te dis. Attends, ça va se passer. Tu peux pas empêcher ça. C'est là qu'il se fait le travail. C'est là qu'il se fait le travail. On n'a rien à faire. Tu sais qu'on peut faire, nous autres, nos égaux. On subit l'énergie, puis ça se passe, ça devient un nom de l'ego. Fait qu'à ce moment-là, là, tu peux travailler. Parce qu'on sort de la spiritualité, puis on sort du matérialisme pour entrer dans la conscience. Toutes les conditions qui t'avaient avant, faisaient partie de l'évolution, ils ne servent plus. Ça va un petit peu. Je vous le dis, plus vous allez vous parler, plus vous allez comprendre, plus vous allez savoir ce que vous savez, plus vous allez savoir ce que vous savez, plus vous allez pouvoir comprendre ce que vous savez. Mais c'est très important pour vous autres de vous parler les uns les autres. Puis vous prendre objectivement quand on vous parle. Il y en a de plus en plus de gens qui peuvent parler de plus en plus précisément. Mais discutez pas avec la monde. Non, si vous discutez, vous allez perdre votre énergie automatiquement. Comment ça se fait qu'à un moment donné, tu dis que vous allez parler de plus en plus précisément, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, tu regrettes aussi à ce niveau-là? Oui, tu regrettes au niveau de ça. Au niveau de, du mot exact, je suis rendu de certaines périodes là, où j'en ai eu de la difficulté à parler, ou à trouver. Oui, mais c'est parce qu'il te bloque. Pour créer encore de la patience, pour encore travailler sur l'ego. Parce que l'ouverture du centre mental de l'ego, c'est tout en relation avec le travail qui se fait. Éventuellement, ça sort. Comme ça, si vous ne bloquez pas, vous seriez dans une énergie très forte. Puis, cette énergie-là, en passant, va descendre dans vos corps, dans vos centres, à tout de l'heure, vos centres. Donc, vous en avez un petit peu, puis vous en avez un petit peu, puis vous en avez un petit peu. Conditionnez. Éventuellement, tout le temps. Tu peux voir la parole. Tu peux pas avoir la parole de défaire tout. C'est ta parole. C'est très facile si tu as la parole de détruire. Autant tu peux construire ta parole au plus, autant tu peux détruire. Qu'est-ce qui arrive des gens avec des démagogues comme Hitler? Par exemple, ils l'ont en parole. C'est pour ça que les gens ne doivent pas croire. Parce qu'un gars qui a parole, s'il croit, la parole est tellement grande. Non, ben. Moi, j'ai un ami qui est dans la Nuremberg, il disait, viens, t'as un gars là, t'es en titre, tu sors de là, t'es pas lui. Si t'as pas yo-yo, le gars, tu as peut-être des hommes les plus intelligents que je connais. Tu rentres dans Nuremberg, t'es pour lui. T'es pas pour lui, puis tu fais un enfant, t'es pour lui. Fait que c'est ça que nous autres, on ne doit pas croire. On ne doit pas croire. Écoute. La parole, c'est un couteau à deux tranchants. C'est un pouvoir d'abord, et puis le même pouvoir, il faut jamais le pouvoir. Mais il faut que les gens sachent par eux-mêmes d'où ce qui va le pouvoir, d'où ce qui mène le pouvoir. Il domine-tu l'homme, là, il libère l'homme. C'est un homme qui peut le savoir. Moi, je ne peux pas vous le dire, je suis né à le monde pour te libérer. Comme le vote me met à la conférence, si j'ai une mission. Vous n'avez pas créé des formes, vous avez dû détruire les formes.